20 ans, l'an 2000, le fil de l'au-delà de la vie de la faute de 10 sur les bancs des piles des balles. Prends le pas sur moi-même. Non assisté de 6, c'était j'assiste, mais une fille de pessimiste repersiste quand même. Anéanti d'une vie réduite, anéanti d'anéanti répété des pouvoirs se ramener en vie. Même si visé au revise, nous insincères, ils te disent aux idéaux comme une vidéo de map d'Arcel. Casse-moi n'est pas dénoué de sens qu'il vous et je pense à la folie qui nous pousse tous. À l'hymne, à la haine, avant le crime, à la une. Avant le cri, les larmes, à la longue, sale goût d'amère, à la laine, pour de ce qu'on destine à la thune. J'ai les stigmates du vice qui me colle à la peau. Je joue pas le rebond à la paix, pour ça je viens prouver preuve à l'appui. Là où l'instinct prime, pas que passe ta face à reste, faut qu'on passe. Contre mes ours, la menace, confirme qu'on ramène le sens à sa source, même à court souffle. Ouais, l'ironie du sort qui nous attend tout à bout de course. Je gâte ma prête, ce fait flèche. Mec, j'accepte safe prod. Pour une touche de style, tu sais, taillera. Pensez qu'à Yara, à l'époque, bornée là. J'espère que ça ira. Mais l'idée me gratte toujours monter si loin, car j'ai profil. Quand j'ai facile d'une expérience précieuse, aspect hostile. L'horizon prête des images psycho comme ma maison faite. Ma raison prête pour ce domaine secret qui m'affecte ailleurs. Conquête d'ailleurs. Maintenant que j'ai un souffle en fait, à ce contact d'ailleurs, je combats le terrain. D'avance, parce qu'équipe fixe, et je fais pas le dessin de corps en un. Je travaille qu'on jette ma tête comme guide pour vivre. Ma zig faillite, folie sans fric. Mes rage guide, c'est livre ou dollar. Le genre sans crainte morale, en pied je traîne. Programme mes rêves réels que je taffe en semaine. S'attache ma semelle qui freine pour éviter taille, cette tâche en semaine. Cette action saine s'avère sûre pour moi comme cet thème je saigne.